لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الباب الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فإن ديننا الإسلامي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتضمن أحكاما عقائدية ويتضمن أيضا أحكاما عملية. الأحكام العقائدية معناه الأمور التي يجب على المسلم أن يعتقدها، أي أن يعقد قلبه عليها من غير أن يكون عنده فيها أدنى شك أدنى تردد. هذه الأمور، هذه الأحكام العقائدية، قسم منها يعرف بالسماع، لا طريق لمعرفته إلا بالسماع، لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الجنة وعن النار وعن عذاب القبر وعن نعيم القبر وعن الحرب وعن الصراط وعن الشفاعة الأخروية ونحو ذلك، كيف كنا نعرف؟ ما كنا عرفنا بذلك كله، لأن العقل وحده لا يستقل بمعرفة هذه الأمور. لكن أمور العقائد هذه التي ذكرناها وغيرها مبنية على أساس، وهذا الأساس الذي بنيت عليه، التي هي قائمة عليه، لا بد أن يكون مقطوعا به في قلب الإنسان. وحتى يكون مقطوعا به في قلب الإنسان لا بد أن يكون دليله قطعيا، لا بد أن يكون قائما مرتكزا مستندا إلى الدليل القطعي، أي الدليل الذي لا يدخله أدنى شك في صحته، دليل قطعي لا يكون إلا صحيحا، لا بد أن تكون مستندة إلى هذا، ولا بد أن يكون المؤمن في إيمانه بهذا الأساس وهذا الأصل مستندا إلى الدليل. ولا يكفي في ذلك أن يكون مستندا إلى التقليد، يعني أحيانا بعض الناس يسمعون من شخص شيئا متعلقا بالعقائد فيأخذون بكلامه من غير معرفة الدليل. الأخذ بكلام الغير أي بمعرفة الدليل، هذا يقال له التقليد. أصل العقيدة وما ينبني عليه المسائل الاعتقادية لا بد أن يعتقده الإنسان جزما، ولا بد أيضا أن يكون مستندا إلى الدليل. ليس للمسلم في هذا الأصل أن يقلد تقليدا. إذا قلد تقليدا واعتقد جزما بهذه العقائد بس بناء على التقليد فقط من غير معرفة الدليل، يكون مسلما مؤمنا لكنه عاص آثم، لأنه لم يستند إلى الدليل في ذلك. فإذا يعني كيف التقليد مثلا، حتى نعطي مثالا للتقليد، شخص يعيش في مكان بعيد عن الناس، في جبل، في صحراء بعيد عن الناس، مر به أناس طيبون أذكياء أصحاب خلق وفضل، نظر في حالهم أعجبه حالهم جدا، فقال في قلبه مثل هؤلاء لا بد أن يكونوا على حق. سمع منهم توحيد الله تعالى فأخذ بكلامهم من غير نظر في الدليل أيضا، من غير رجوع إلى الاستدلال أيضا، فقط تقليدا لهم، فاعتقد جزما أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله من غير شك، اعتقد جزما، نطق بذلك، هذا صار مسلما مؤمنا، لكنه عاص لأنه لم يعرف الدليل على أصل العقيدة. أصول العقائد لا بد فيها من الدليل، ولو كان دليلا إجماليا ليس فيه تفصيل، الأساس الذي تنبني عليه العقائد. فإذا إذا كان الأمر كذلك فأصول العقائد ليست عرضة للاجتهاد، ما بيمشي فيها غلبة الظن، لا يكفي فيها غلبة الظن، لا بد أن تكون مبنية على الدليل وعلى الدليل القطعي، وليست محلا للاجتهاد، ولا يجوز أن يقتصر فيها على التقليد، لأن الله سبحانه ذم الذين يقلدون في أصل العقائد، يقتصرون على التقليد في أصل العقائد. الكفار قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، نحن هكذا وجدنا آباءنا فنحن نتبعهم تقليدا، الله ذمهم على ذلك. إذن المؤمن لا يكون كذلك، لأن الله تعالى ذم هذه الحال، لا بد للمؤمن من معرفة الدليل في أصل العقائد. فإذا أصول العقائد لا يجوز أن يقتصر الإنسان فيها هذه الأصول على التقليد، فإذا ما بيمشي الحال، لا يصح أن يقول الإنسان في أصول العقائد فلان قال كذا وفلان قال عكسه، أنا آخذ بهذا أو بهذا لا بأس في هذا، أقلد هذا أو أقلد هذا، حتى نكون أكثر عم نحكي بالأمر الذي أريد الكلام فيه. لذلك لا يصح أن يقال بعض العلماء قالوا المجسم كافر، وبعض العلماء قال المجسم غير كافر. إذن أنا يجوز لي أن أخذ بهذا ويجوز أن أخذ بهذا، يجوز أن أقلد هذا ويجوز أن أقلد هذا. لا، هذا كلام غير صحيح. أنا الذي علي أن أتبع الدليل القاطع في هذه المسألة، وليس لي أن أقول يجوز أن أخذ بقول هذا طالما اختلفوا. إذا اجتهد الإنسان في أصل العقيدة فأخطأ لا يكون معذورا، العلماء نصوا على هذا. إذا اجتهد في أصل العقيدة فأخطأ لا يكون معذورا، وإذا لم يكن معذورا كيف يجوز تقليده؟ لا يجوز تقليده. هذا العلماء الذين تكلموا في العقائد، الذين تكلموا في أصول الفقه، ذكروا هذه المسألة في كتبهم، مسألة معروفة مدونة مشهورة. مثلا أبو إسحاق الشيرازي في كتاب اللمع من أشهر كتب أصول الفقه يذكر هذه المسألة، بل وفي غيرها مما هو أصغر من ذلك من الكتب والمصنفات المتون. إنما شو بيعمل الواحد في هذه المسألة؟ لابد أن يأخذ بالدليل، والدليل يدل بوضوح وبسهولة أن المجسم ليس مسلما. المجسم، نحن نتكلم عن المجسم، معناه الإنسان الذي يعتقد أن الله تعالى جسم مركب له طول وعرض وعمق، مركب من أجزاء. الذي يقول مثل هذا الكلام لا يكون مسلما. ليش؟ الأمر سهل، كلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء باعتقاد بعقيدة معروفة مضبوطة، أليس كذلك؟ والعقيدة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام إذا اعتقد إنسان عقيدة ضدها هل يكون على العقيدة الصحيحة؟ لا يكون. إذا اعتقد دينا هو غير دين نبينا عليه الصلاة والسلام هل يكون على دين الإسلام؟ لا. الله تعالى قال لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الذي عبده محمد عليه الصلاة والسلام ودعا لعبادته هو الله تبارك وتعالى. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبادة ما هي. فإذا إنسان عبد غير الله هل يكون مسلما؟ والذي يعتقد أن الله جسم، الذي يعبد جسما له طول وعرض وعمق وهو مركب، هل عبد الله؟ لا. إذن عبد غير الله. الذي يعبد غير الله هل يجوز أن يقال عنه مسلم؟ هذا اعتقد اعتقادا ضد اعتقاد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز أن يقال عنه مسلم؟ كيف بيجي واحد بيقول فيها قولان المسألة اختلفوا فيها ويجوز أن يأخذ الإنسان بهذا وأن يأخذ بهذا؟ هذا لا يستقيم. في أصول العقائد لا يعتمد على التقليد، إنما يرجع إلى إيش؟ إلى الدليل. وإلى أي دليل؟ إلى الدليل القطعي، ليس إلى الدليل الظني. ومثل هذا الذي القدري، يعني الذي ينفي أن يكون الله تعالى شاء حصول كل ما يحصل في هذا العالم، الذي يقول لا، الله ليس خالق أعمال العباد، العباد يخلقون أعمالهم، الله لا يخلقها، الذين يسمونهم أيضا المعتزلة. إذا إنسان اعتقد هذه العقيدة، إذا قال إنسان اعتقد أنه أن إذا إنسان قال معبودي شيء أحيانا يكون مغلوبا، أحيانا تنفذ مشيئته وأحيانا لا تنفذ مشيئته، وله شركاء يشاركونه في التخليق، وله شركاء يشاركونه في القدرة. ليس كل شيء يحصل بقدرته، بعض الأشياء تحصل بقدرته وبعض الأشياء تحصل بغير قدرته. الذي يقول مثل هذا هل يكون عبد الله؟ ما عبد الله ولا عرف الله تبارك وتعالى، كيف يكون مسلما؟ الله عز وجل الذي عبده نبينا عليه الصلاة والسلام ودلنا على عبادته، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه الواحد الذي لا شبيه له ولا شريك له، وأنه الذي يحصل كل شيء في هذا العالم بمشيئته، وأنه غالب ليس مغلوبا، وأن مشيئته نافذة، وأنه هو الخالق لكل شيء. أما الذي يقول ضد ذلك فهذا ما عبد الله تبارك وتعالى، إنما عبد غير الله، والذي يعبد غير الله هل يكون مسلما؟ إذن لا يكون. إذن إذا شخص قال، اختلف العلماء، بعضهم كفر القدرية وبعضهم لم يكفر القدرية الذين نتكلم عنهم، أنا أعني هؤلاء الذين وصفناهم، إذا واحد قال اختلف العلماء في ذلك، أنا يجوز لي أن أخذ بهذا ويجوز أن أخذ بهذا، هل يكون كلامه مقبولا؟ لا يكون كلامه مقبولا. نرجع للقاعدة، لأن هذه المسائل، هذه الأصول، أصول العقائد هذه لا يعتمد فيها على التقليد، إنما يرجع فيها إلى الدليل، إلى الدليل القاطع، والدليل القاطع ليس قائما إلا على كفر أمثال هؤلاء، وأن ما جاءوا به وما اعتقدوه ليس هو دين الإسلام. أحد يجرؤ أن يقول هذا هو دين الإسلام؟ إن قولهم هو دين الإسلام؟ إذن كيف يقال عنهم مسلمون؟ واحد يعتقد دينا غير ديننا، يعبد معبودا غير معبودنا، كيف يكون مسلما؟ لا يكون. هذا الأمر الأول من، أو هذا هو القسم الأول من أقسام الأحكام التي هي الأحكام العقائدية. أردت أن أقدم بمقدمة في الكلام ذكرها والإشارة إليها. ننتقل الآن إلى القسم الثاني التي هي الأحكام العملية. الأحكام العملية، هذا الأمر يجوز فعله أو لا يجوز، مستحب أو مكروه أو مباح، إلى هذا. Inch'Allah, je veux traduire ce que dit Cheikh Samir. Le louange est à Allah, le Seigneur des mondes, de lui la grâce, les bienfaits, il mérite la louange, et que Allah élève davantage le degré de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons bons et purs. Il a dit, je demande à Allah Ta'ala de nous donner la force de lui obéir pour obtenir son agrément, et il a demandé à Allah de lui faciliter la tâche. Après cela, il a dit, certes, notre religion musulmane que Allah Ta'ala a révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comporte des jugements concernant la croyance et comporte aussi des jugements pratiques, de la pratique. Il a dit, les jugements concernant la croyance ceci signifie les choses qu'il est un devoir pour les musulmans, pour le musulman de croire, c'est-à-dire les choses qu'il devrait avoir comme croyance dans son cœur, sans qu'il y ait le moindre doute ou la moindre hésitation à propos de ces choses-là. Voici ce qu'on appelle les jugements de la croyance. Ces jugements-là, une partie d'entre elles est connue par la transmission, par le fait d'entendre l'information à ce sujet. Il n'y a pas d'autre moyen de le connaître, sauf par la transmission. Parce que si le prophète ne nous avait pas informé de l'existence du paradis, de l'enfer, du châtiment de la tombe, de la félicité de la tombe, du bassin, du pont, de l'intercession dans l'au-delà et d'autres que cela, comment on l'aurait su? Parce que la raison toute seule n'est pas indépendante, elle n'est pas capable toute seule de connaître ces choses-là. Et donc les sujets de la croyance qu'on a mentionnés et autres que ces sujets sont basés sur un fondement, une base. Cette base-là sur laquelle sont fondés les sujets de la croyance, elle doit être une base qui est confirmée pour nous de façon catégorique dans le cœur de chacun de nous. C'est-à-dire, afin qu'elle soit confirmée de façon catégorique dans le cœur de la personne, il faut qu'elle soit basée sur une preuve catégorique. Il faut qu'il y ait une preuve catégorique sur la véracité de ces choses-là. C'est-à-dire une preuve dans laquelle il n'y a pas le moindre doute à propos de la véracité de cette preuve. Elle ne peut être que correcte. Donc ces sujets-là doivent être basés sur ces preuves-là. Et le croyant, quand il croit à ces sujets-là, il doit être basé sur la preuve. Et il ne doit pas imiter les croyances des gens sans qu'il y ait la preuve. Parce que certaines personnes, parfois, entendent une personne parler d'un sujet concernant la croyance, alors ils disent comme lui et ils croient comme lui sans connaître la preuve. Et il imite, donc on dit qu'il imite la parole des autres sans connaître la preuve. C'est ce qu'on appelle un taqlid, imiter quelqu'un au sujet de la croyance. Mais la base de la croyance et ce qui est fondé là-dessus comme sujet de la croyance, il doit être basé, d'abord on doit le croire de façon catégorique dans notre cœur sans qu'il y ait la moindre hésitation à ce sujet, et il faut que l'on soit basé sur une preuve catégorique. Nous n'avons pas le droit, le musulman n'a pas le droit d'imiter dans ces sujets-là. Maintenant, si la personne a imité quelqu'un et il a cru de façon catégorique en ces sujets-là de la croyance islamique, sur la base de l'imitation, oui, il est musulman, il est croyant, mais il a commis un péché. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas basé sur la preuve catégorique. Un exemple d'imitation, une personne qui vit dans un endroit qui est loin des gens, qui est en montagne, dans un désert, il est passé auprès de lui des gens qui sont bons, qui sont intelligents, qui ont un bon comportement, qui font de la bienfaisance. Il a regardé dans leur état, il a aimé leur état, ça lui a plu. Alors il s'est dit dans son cœur, des gens pareils que ceux-là, ils doivent sûrement être sur la vérité. Il a entendu de leur part l'unicité de Allah Ta'ala et le message du prophète Mohammed. Alors il a pris leurs paroles sans réfléchir, sans être basé sur une preuve, sans regarder la preuve. Il a imité leurs paroles, mais il a cru catégoriquement dans son cœur qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Sans avoir de doute à ce sujet, mais sans se baser sur la preuve. Celui-ci est devenu musulman croyant, mais il commet un péché parce qu'il ne connaît pas la preuve sur la base de la croyance. Donc, les bases de la croyance, il est indispensable qu'elles soient basées sur la preuve. Même si la preuve est une preuve globale, même si on n'a pas de détails de chaque élément de la preuve, c'est une preuve globale, ça suffit. Donc, sachant que c'est le cas, alors les sujets de la base de la croyance ne sont pas alors tributaires de l'ijtihad et de l'effort de compréhension des personnes. Et il ne suffit pas dans ces sujets-là d'avoir une présomption que c'est correct sans être basé sur une preuve catégorique. Elle doit nécessairement être basée sur une preuve catégoriques et elles ne sont pas tributaires, elles ne peuvent pas être apprises à partir de ijtihad, hein, c'est-à-dire de la vie de la personne elle-même. Et on ne peut pas se contenter dans ce type de choses d'imiter. Parce qu'Allah Ta'ala, il a blâmé les mécréants qui imitaient leurs ancêtres dans leur religion. C'est mentionné dans le Coran, un verset qui signifie en français que les mécréants vivent qu'ils ont trouvé leurs ancêtres, leurs parents sur une religion, ils sont sur la pareille, par imitation. Allah Ta'ala les a blâmés pour cela. Et donc le musulman ne doit pas être comme ça, il ne doit pas imiter dans les sujets qui sont la base de la croyance. Donc dans les sujets de la base de la croyance, il n'est pas autorisé à la personne qu'elle ait comme croyance des choses en se basant sur l'imitation. Hein? Donc on n'a pas le droit de dire... Telle personne a dit tel sujet au propos de la base de la croyance, et telle autre personne a dit tel autre sujet qui est l'opposé de ce qu'a dit le premier, et moi alors, je peux prendre ceci ou je peux prendre cela, je peux imiter celui-ci ou je peux imiter celui-là. Non. Donc on ne peut pas se baser sur cela. Donc pour parler plus clairement à propos du sujet qu'on veut aborder, il n'est pas valable de dire, certains savants ont dit, celui qui croit qu'Allah est un corps est mécréant, et d'autres ont dit, celui qui croit qu'Allah est un corps n'est pas mécréant, alors moi, il est autorisé pour moi d'imiter cela ou bien d'imiter les autres. Non, ceci n'est pas vrai. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois suivre et me baser sur la preuve catégorique, et je n'ai pas le droit de dire... Je prends n'importe lequel des deux du moment où ils ont divergé sur ce sujet. Si quelqu'un a fait un effort d'interprétation ou de compréhension des textes concernant un sujet de la base de la croyance et il s'est trompé, est-ce qu'il est excusé? Non, il n'est pas excusé. Du moment où lui n'est pas excusé, comment serait-il autorisé à d'autres de l'imiter en cela? Les savants qui ont parlé au sujet des croyances et de base de la croyance, et même dans les bases de fiqh, comme l'imam Abu Ishaq al-Shirazi a mentionné ceci dans son livre Al-Luma, qui est un des livres les plus célèbres de Usul al-Fiqh, et dans d'autres livres aussi, ceci est mentionné, qu'il n'est pas autorisé de l'imiter dans la base de la croyance, et que si celui qui a fait le ijtihad dans la base de la croyance s'est trompé, il n'est pas excusé. Alors, que doit faire la personne? Elle doit suivre ce à quoi mène la preuve catégorique. Et la preuve catégorique montre que celui qui croit qu'Allah est un corps n'est pas musulman. L'être humain qui croit qu'Allah est un corps composé de parties, celui qui dit cette parole-là n'est pas musulman. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une croyance qui est connue, qui est bien confirmée et connue par les gens. Et cette croyance-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée, si une personne a eu comme croyance, une croyance qui est l'opposé de celle du prophète, une religion qui est l'opposé ou différente de la croyance et de la religion du prophète, est-ce qu'on dit de lui qu'il est sur la bonne croyance? Non! Donc si quelqu'un a eu comme croyance, comme religion, quelque chose autre que la religion de notre prophète, est-ce qu'il est musulman? Non! Allah Ta'ala dit, vous avez votre religion et j'ai la mienne, c'est-à-dire votre religion est différente de la leur. Et là, c'est-à-dire que ce que le prophète n'adore pas ce que adorent les mécréants, et les mécréants n'adorent pas ce que adore Allah Ta'ala que le prophète adore. Donc si quelqu'un adore autre que Allah Ta'ala que le prophète adore, alors il n'est pas musulman. Allah Ta'ala, le créateur que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a adoré, et que le prophète nous a clarifié et expliqué comment est cette adoration, qu'est-ce qu'elle est, si une personne adore autre que Allah Ta'ala, est-ce qu'il est musulman? Non, il n'est pas musulman. Donc celui qui adore un corps qui a une longueur, une largeur, une épaisseur et qui est composé, est-ce qu'il a adoré Allah? Non, il a adoré autre que Allah. Donc est-ce qu'il est autorisé de dire qu'il est musulman? Non. Celui-ci, il a eu une croyance qui est l'opposé de la croyance du prophète Mohammed. Alors comment pourrait-on dire, ici, il y a deux avis, ils ont divergé là-dessus, alors on a le droit de prendre n'importe lequel des deux avis, de prendre celui-ci ou celui-ci. Non, ceci n'est pas acceptable dans les sujets de la base de la croyance. Il faut se baser sur la preuve et on ne peut pas se baser sur l'imitation. On revient à la preuve catégorique et non pas à la preuve et non pas à la parole de présomption sans qu'il y ait, sans que ce soit catégorique. Et pareil à ce sujet-là, la parole à propos de celui qui dit que Allah n'a, qu'il y a des choses qui se passent dans le monde sans que ce soit par la volonté de Allah. Donc on va appeler un qadari qui croit que Allah Ta'ala n'a pas voulu tout ce qui se passe dans ce monde et qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde qui ne sont pas par la volonté de Allah et que les esclaves créent leurs propres actes. Ces gens-là qui sont appelés al-Mu'tazila. Si une personne a cette croyance, si par exemple une personne dit « Ce que je crois est une chose qui est parfois vaincue et parfois sa volonté, elle se réalise. Et parfois elle ne se réalise pas. Parfois elle est vaincue, parfois elle n'est pas vaincue. Parfois sa volonté se réalise, parfois sa volonté ne se réalise pas. Et ce que j'adore, il dit, ce que j'adore, il a des associés qui sont qui participent à la création avec lui. Et il a des associés qui partagent la puissance avec lui. Certaines choses se passent par sa puissance et d'autres par la puissance d'autrui. Est-ce que cette personne-là adore Allah Ta'ala? Non. Est-ce que cette personne ne connaît même pas Allah Ta'ala? Alors comment serait-elle musulmane? Parce que ceci n'est pas l'attribut d'Allah Ta'ala. Ceci n'est pas l'attribut d'Allah. S'il dit ça c'est Allah, ça veut dire qu'il ne connaît pas Allah Ta'ala. Allah que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a adoré et qui nous a montré comment il nous a incité à l'adorer, il nous a ordonné d'adorer, il nous a dit comment on l'adore, il nous a dit qu'il est Allah qui est unique, le Dieu unique et qu'il n'a pas de semblable et que rien ne se passe dans ce monde sans que ce soit par sa volonté et qu'il n'est pas vaincu. Il est vainqueur, il n'est pas vaincu, et que sa volonté se réalise, et qu'il est le créateur de toutes choses. Alors celui qui dit cette parole-là, il n'a pas adoré Allah Ta'ala. Est-ce qu'il est musulman? Non, il n'est pas musulman. Si maintenant une personne dit, les savants ont divergé à propos de la déclaration de mécréance des Mu'tazila, c'est-à-dire ceux qui disent cette parole-là dont on a parlé ici, est-ce que cette parole-là est acceptée? Elle n'est pas acceptée, parce que les fondements de la croyance, on ne se base pas là-dessus sur l'imitation. On revient à la preuve catégorique. Et la preuve catégorique ne montre pas autre chose que le fait que ceux qui disent cela ne sont pas musulmans. Est-ce que quelqu'un ose dire que cette parole-là, c'est la croyance des musulmans? Non. Quelqu'un qui a une croyance et une religion autre que la nôtre, et qui adore un Dieu autre que le nôtre, qui adore quelque chose autre que le Dieu qu'on adore, comment est-ce qu'il serait musulman? Il n'est pas musulman. Donc il a dit, voici la première partie que j'ai voulu, c'est une introduction à propos des jugements de la croyance. Et maintenant je vais parler à propos des jugements pratiques, ce qui est autorisé, recommandé, déconseillé, moubah, etc. Est-ce clair? Al-Qismu-Sani. هو الأحكام العملية هذه الأحكام العملية يحصل منها أشياء كثيرة يحصل بل بيقول هذه ما الأحكام العمل ما الأحكام العملية هناك أمور كثيرة تحصل في أيامنا وقبل أيامنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر حكمها نصا في القرآن ولا في السنة لكن ديننا يدل على حكمها في ديننا هناك قواعد تدل على حكمها هذه القواعد هذه الأمور التي تدل على حكمها يعرفها المجتهدون ويفهمونها جيدا ويعرفون كيف تدل على الأحكام فإذا حصلت مسألة لم تكن حصلت بعينها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم جاء حكمها منصوصا عليه في الكتاب ولا في السنة هؤلاء المجتهدون يرجعون إلى هذه القواعد المذكورة في الكتاب والسنة ويبنون عليها حكم هذه المسائل التي تحصل. هذا الأمر لا يستطيعه كل واحد منا. ليس كل مسلم قادرا من حيث العلم ومن حيث الفهم على أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة. لذلك الله تبارك وتعالى أذن للمجتهدين المستأهلين الذين وصلوا إلى رتبة استحقاق ذلك أن يستنبطوا هذه الأحكام، وأذن لمن كان مثلي، من لم يبلغ مثل هذه الرتبة، أن يقلدهم في ذلك. وبما أن مثلي لا يستطيع أن يميز هذا هو المصيب جزما منهم أو ذاك هو المصيب جزما منهم، الله أجاز لمن كان مثلي، للمقلد، لمن لم يصل إلى تلك الرتبة، أن يأخذ بقول هذا أو بقول هذا. والله تبارك وتعالى قال، بيّن أن الذي يصيب منهم من المجتهدين فله أجران، والذي يخطئ معذور وله أجر واحد. وأنا يجوز لي أن آخذ بقول هذا ويجوز لي أن آخذ بقول الآخر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو شأن الأحكام العملية التي لم يرد فيها نص في الكتاب ولا في السنة. في مثل هذه الأحكام يحصل أحيانا اختلاف بين المجتهدين، في مثل هذا يجوز للواحد منا أن يأخذ بقول هذا المجتهد أو أن يأخذ بقول آخر لمجتهد آخر، طالما أنه يقلد إنسانا مستأهلا يستحق أن يستنبط الحكم. La deuxième partie, c'est les jugements pratiques. Donc il y a eu des choses nombreuses qui ont lieu dans nos jours et qui ont eu lieu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont le jugement n'est pas mentionné dans le Coran ni dans la Sunna. Mais dans notre religion, il y a des règles qui montrent, qui permettent de déduire et de connaître le jugement de ces choses-là. Il y a des règles qui permettent de connaître le jugement de ces choses-là. Ces règles-là qui montrent quel est le jugement de ces choses qui ont lieu, elles sont connues par les mujtahids. Elles sont bien comprises par eux. Et eux, ils savent comment ces règles montrent ces jugements-là. Donc si une chose nouvelle a eu lieu, et cette chose-là, elle n'avait pas eu lieu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son jugement n'est pas mentionné dans le Coran ni dans le Hadith, ces mujtahids-là, ils reviennent à ces règles et ils se basent sur ces règles-là pour en extraire le jugement de cette chose-là qui a eu lieu récemment. Mais pas chaque musulman, pas tout musulman est capable, ni du point de vue de la science et des connaissances qu'il a, ni du point de vue de la compréhension qu'Allah lui a accordée, de déduire tout seul les jugements à partir du Coran et de la Sunna. C'est pour cela que Allah Ta'ala a autorisé aux mujtahid, mais qui ont la capacité et qui ont donc atteint le niveau de cette capacité-là et cette habilitation qui leur autorise donc de faire le ijtihad, il leur a autorisé de faire l'ijtihad. Et Allah Ta'ala nous a autorisé à nous qui n'avons pas atteint ce niveau-là de les imiter. Hein? Et comme les gens comme nous ne sont pas capables de distinguer qui parmi ces deux mujtahid ou ces mujtahid-là qui a raison, celui-ci qui a dit ce qui est correct, ou est-ce que c'est l'autre? Allah Ta'ala nous a autorisé à nous de suivre la parole de celui-ci ou la parole de celui-là. Et Allah Ta'ala a montré que celui dont la parole est correcte, il a deux récompenses. Et celui qui s'est trompé, il a une récompense et qu'il est excusé. Hein? Et nous, il nous est autorisé de suivre celui-ci ou celui-là, de prendre la parole de l'un ou de l'autre. Voici ce qui concerne les jugements pratiques, hein, mais c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas un texte dans le Coran ni dans la Sunna. Dans ce type de jugement-là, s'il y a des divergences entre les mujtahid, dans ce cas-là, il nous est autorisé de prendre la parole de celui-ci ou de celui-là, du moment où on imite une personne qui a la capacité et qui mérite donc qu'on l'imite en cela. Donc l'imitation, elle est autorisée dans les jugements pratiques, elle n'est pas autorisée dans le fondement de la foi. Donc si une personne veut appliquer la règle concernant l'imitation dans le fondement de la foi, on lui dit, mais là tu te trompes, tu n'as pas mis la bonne règle au bon endroit. ثم إن الأمور التي يتكلم فيها العلماء والمسائل التي يبينونها في أمور الدين تنقسم أيضا إلى قسمين. أحيانا يذكرون قواعد ويريدون منا أن نطبقها. يذكرون لنا قواعد لنطبقها نحن، وأحيانا يذكرون مسألة بعينها مع حكمها. مثال القواعد التي يذكرونها حتى نطبقها نحن، أن يقول العالم من العلماء: الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تنجس. هذه قاعدة، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها تنجس. هذه قاعدة العالم يدرسها يذكرها والمسلمون يطبقونها. إذا طبق المسلم هذه القاعدة لا يقال أنت مجتهد حتى تتكلم في هذا، لأنه يكون في هذه الحال إنما هو يتبع المجتهد فيما دله عليه. يعني إذا إنسان كان عنده هذه القنينة من الماء وكان درس عرف القاعدة أن الماء هذا قليل، وأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها تنجس، فوقعت نقطة دم في هذا الماء، ماذا يقول عن هذا الماء؟ تنجس. هل يقال له أنت تدعي الاجتهاد؟ لا، إنما هو يطبق القاعدة التي وضعها العلماء له لتطبيقها، لأنه شيء صعب لا يدخل تحت حصر أن يقول المجتهد إذا كان إنسان عنده قدر هذا الكوب من الماء وقع فيه نقطة دم تنجس، وإذا كان عنده قدر هذا الكوب من الماء ووقع فيه نقطة بول تنجس، وإذا كان عنده هذا القدر من الماء قدر هذا الكوب من الماء ووقع فيه نقطة قيح تنجس، وإذا كان عنده قدر هذا الكوب من الماء ووقع فيه مثلا فأرة وقعت فيه فماتت تنجس، وإذا ثم إذا كان عنده أقل من هذا بكذا وإذا كان أكثر بكذا وإذا هذا شيء لا يدخل تحت حصر. لذلك ماذا يفعل المجتهد؟ يضع القاعدة يمثل لها بمثال أو مثالين حتى تفهم، ويقول للناس أنتم عليكم أن تطبقوا هذه القاعدة. وإلا لو أراد أن يذكر كل الصور المحتملة يموت ولا ينتهي، يموت ولا ينتهي من ذكرها هذا. فإذا واحد منا أخذ هذه القاعدة فهمها فطبقها لا يقال عنه إنه يدعي الاجتهاد، إنما يقال عنه إنه يقلد المجتهد في هذه المسألة بناء على القاعدة التي بينها هذا المجتهد. Donc, cher Samir, que Dieu le préserve, a dit si donc parmi les sujets abordés par les savants, les sujets abordés par les savants sont divisés en deux parties. Parfois, ils mentionnent des règles et ils veulent de nous que l'on applique ces règles. Donc, nous, on les applique. Et parfois, il mentionne un jugement spécifique. On dit, si il se passe cette chose, voici le jugement. Donc, un exemple de règle qu'il mentionne et qu'on en connaît, c'est que si on a de l'eau en petite quantité et qu'il tombe dedans une najasa non excusée, alors l'eau devient najis. Donc, c'est une règle que le savant enseigne et qu'il mentionne, et aux musulmans de l'appliquer. Donc, si un musulman applique cette règle, on ne dit pas « Est-ce que toi, tu es un mujtahid pour dire ça ?» Non, mais parce qu'en fait, il est en train tout simplement d'appliquer, de suivre et d'imiter le mujtahid dans ce que le mujtahid lui a montré, ce que lui a indiqué de faire. Pour cela, par exemple, si une personne a cette bouteille d'eau, et il avait déjà appris que cette quantité d'eau est une petite quantité d'eau. Et puis, il est tombé dans cette bouteille d'eau une goutte de sang. Et qu'il a dit que le jugement, c'est que maintenant, cette eau est devenue najis. Est-ce qu'on dit à la personne, est-ce que tu es un mujtahid, toi, pour dire que cette eau est devenue najis? Non, parce qu'il est tout simplement en train d'appliquer la règle. Parce que les savants, il mentionne la règle et il donne un ou deux exemples. Il ne mentionne pas tous les cas possibles. C'est quelque chose que l'on ne peut énumérer. Parce que si tu dis, voilà, si je prends maintenant un gobelet rempli d'eau, il y a une goutte de sang qui tombe dedans. Est-ce qu'il est najis? Oui. S'il y a deux gouttes de sang qui tombent dedans, s'il y a un demi-gobelet d'eau, s'il y a un verre d'eau plus grand avec une goutte d'urine, avec deux gouttes d'urine, avec du pu qui est tombé dedans, avec une souris qui est tombée dedans et qui est morte dedans. Il y a beaucoup de cas. Et donc, si quelqu'un il a moins, il a plus, qu'est-ce qu'il fait? Donc, les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? Ils ont mis des règles, et puis ils donnent un ou deux exemples, et ils disent aux gens, vous appliquez cette règle. Parce que sinon, si le savant veut énumérer tous les cas, il meurt avant de finir d'énumérer tous les cas. Donc, si l'un de nous, il a pris la règle, il a appliqué la règle, on ne dit pas, il prétend être un mujtahid en disant ceci, en donnant le jugement. On dit tout simplement, il est en train d'appliquer la règle qui a été mise en place par le mujtahid. العلماء تكلموا في مسألة بناء على هذا. العلماء تكلموا في مسألة ما كانت تحصل، قل ما كانت تحصل في القديم، أيام كان العلم منتشرا والفهم في الدين قويا، والمسلمون بغالبهم بعيدون عن الكلام الذي هو ضد دين الله تبارك وتعالى، تبارك وتعالى قلما تحصل من الواحد منهم رداء نحو ذلك ما كانوا يتكلمون فيها. لكن بعد ذلك في عصور متأخرة عن هذا صار العلماء يتكلمون في مسألة ما هي، ولكن يتكلمون بناء على إيش؟ بناء على قواعد الدين التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بينها العلماء الذين حملوا الدين بعده وبلغوه، وضعوا قواعد بناء هؤلاء العلماء الذين يلونهم طبقوا هذه القواعد. لو أن إنسانا كان ما عنده اهتمام كبير كما ينبغي بأمر الدين، ما درس علم الدين، ثم في يوم هو قاعد يسمع درسا من دروس الدين، المدرس تعرض لبيان مسألة وذكر أن هذا الذي يحصل منه كذا وكذا يكفر. نعطي مثالا، فهذا الشخص الذي سمع هذا حصل عنده اضطراب، خاف، قال في قلبه أنا هل حصل مني هذا الشيء اليوم أو لم يحصل، شك حصل، طرأ له شك هل حصل هذا مني اليوم أو لم يحصل، ماذا يفعل؟ شخص يعمل في طباعة الكتب، والكتب التي يطبعونها يطبعون أيضا معها مصاحف، وأثناء الطباعة والعمل أحيانا بعض الناس يقف على هذه الكتب. هذا الرجل جاء يحضر درسا من دروس الدين، سمع المدرس يقول الذي يدوس على المصحف عمدا وهو يعلم أن المصحف يكفر، قال في قلبه هل حصل مني هذا اليوم أو لم يحصل، لما كنت اليوم في العمل حصل مني أو لم يحصل، صار عنده في تلك اللحظة شك هل حصل منه أو لم يحصل. هنا ماذا يفعل هذا الإنسان؟ أمامه طريقان في احتمالان، هذا الشخص قد يقول في قلبه نعم أنا يمكن اليوم حصل مني هذا، أنا أشك قد يكون حصل هذا، وإذا كان حصل هذا أكون قد وقعت في الكفر، لأنه الآن هو يعلم أن هذا كفر، ما هيك؟ قبل ما فكر في هذه المسألة، ما خطرت على باله، الآن سمعها، الآن هو يعرف هذه المسألة بعينها، يفهم أنها كفر، يعرف، فقال في قلبه يمكن أنا أن أكون قد فعلت ذلك، يمكن أن أكون وقعت في الكفر، إذا كان ذلك أنا أبقى على ما أنا عليه. ولا أخرج مما وقعت فيه. مثل هذا الإنسان إذا عقد قلبه على ذلك أليس يكون رضي لنفسه بالكفر في حال كان قد داس على المصحف؟ والذي يرضى لنفسه بالكفر ماذا يكون؟ كافر. فيه شك؟ العلماء كتبهم مملوءة بذكر هذه المسألة. هذا الشخص لما قال هذا في قلبه رضي لنفسه بالكفر ولم يعد قلبه ثابتا بالبقاء على الإيمان لأنه في قلبه يقول لو كنت أنا كافرا أريد أن أبقى على الكفر، لا أريد أن أفعل شيئا للخروج منه، أريد أن أبقى على ما أنا عليه. إذن هذا ما عاد عنده في قلبه الجزم بالاستمرار على الإيمان. والذي يقع في هذا هل يكون مسلما؟ لا. طيب هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه خطر له هذا شك، قال أنا اليوم مش خاطر، مجرد خاطر وهو يعرف أنه لم يحصل، لا شك حقيقة حصل عنده في قلبه تردد، هل حصل، هل دست على المصحف أو لا؟ فقال في قلبه يعني ففورا أراد الخروج من هذه الحال لأنه لا يرضى لنفسه أن يكون على الكفر. كل مسلم يعرف أن الخروج من الكفر إلى الإسلام بأيش يكون؟ بالشهادتين. والعلماء النووي وغيره نقل الإجماع على هذا. طيب فهو ماذا فعل؟ قال فورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ليخرج من ذلك الكفر إن كان قد وقع فيه. هذا يكون إيش؟ سلما. هاي المسألة واضحة، ما فيها لبس، ليست صعبة، ليست معقدة، تجري على قواعد الدين التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا نقول لما حصل له الشك كفر، لا، هذا ليس بيده. مجيء الشك إلى قلبه، هل دست اليوم على المصحف أو ما فعلت وما دست، هذا شيء ليس بيده، حصل في قلبه. بمجرد ذلك لا يكون قد كفر، لكن لما حصل هذا الشك في قلبه ماذا اختار هو بعد ذلك؟ اختار أن يخرج من الكفر في حال كان وقع فيه، أو اختار أن يبقى على الحال التي كان هو عليها، ومن يعني ومعنى ذلك أن يبقى على الكفر في حال كان قد وقع فيه. هل اختار ثبات القلب على الإيمان، أو اختار أن يصير مترددا في الثبات على الإيمان؟ بناء على اختياره يحكم عليه. أي المسألة تجري مع القواعد أو تخرج عن القواعد؟ تجري مع القواعد. معقدة أو سهلة؟ سهلة، مثل أحكام ديننا، مثل غير ذلك من أحكام ديننا. بعض الناس لا يفهمها، ماذا نفعل؟ بعض الناس يخالفها، ماذا نفعل؟ القلوب ليست بأيدينا، لكن المقصود إيضاح المسألة وأن يمنع التشويش على من يعرفها على وجهها. نحن ما لا نقول بمجرد مجيء الخاطر إلى قلب الإنسان يكفر، لا، ولا نقول بمجرد الشك هل حصل هذا أو لم يحصل يكفر، لأن الشك هذا ليس بيده، إنما الأمر متوقف على ماذا يفعل بعد أن شك. هنا إذا قال في قلبه أنا إذا كنت واقعا في الكفر، وقعت في الكفر، أريد أن أزداد فيه، هذا شو بيكون؟ هذا يكون قد كفر. إذا قال، إذا قال في قلبه أنا أخرج من هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني في حال كان حصل مني الذي ينجيني منه إيش؟ الشهادة، فيقولهما هذا لا يكون عليه حرج ولا يكون عليه بأس. هذه هي المسألة التي سماها العلماء التشهد احتياطا، وأحيانا يقولون تجديد الإيمان احتياطا إلى آخره. هذه الحال التي يقولون فيها يجب تجديد الإيمان في هذه الحال احتياطا، يجب التشهد احتياطا، لأنه إذا لم يفعل ذلك يكفر، وإذا لم يفعل ذلك الآن، بعض الناس من سخافة ما بدي أحكي، بعض الناس لأنهم ما فهموا الأمر على وجهه بيقولوا من أين تقول فورا؟ فورا لأنه يجب على الإنسان أن يخلص نفسه من الكفر، ولا يجوز له أن يتمادى على الكفر إذا كان واقعا فيه، وهذا إنقاذ نفسه من الكفر إذا كان واقعا فيه إنما يجب عليه فورا. قواعد الدين هذه ليس شيئا ابتدعه زيد أو عمر من العلماء، إنما طبقوا قواعد الدين التي بينها جلية النبي الله عليه الصلاة والسلام، ووضحها أيضا العلماء الأكابر الذين جاءوا بعده صلى الله عليه وسلم. واضح الذي قيل؟ Donc, cher Samir, pour Allah le protège, a dit en se basant sur cela, les savants ont parlé à propos d'une mas'ala, de quelque chose qui ne se passait pas dans le passé au début, qui se passait rarement il y a très très longtemps, quand il y avait la science qui était propagée et la compréhension forte dans la religion. Les musulmans, dans leur majorité, globalité, ils étaient loin de parler des paroles qui sont contre la religion. Très rarement, il se passait de leur part ces choses-là au tout début. Mais après, dans des siècles et des époques qui sont venues plus tard, les savants ont parlé à propos de ce sujet qu'on va mentionner, en se basant sur les règles de la religion qui ont été clarifiés par le prophète, par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont été expliqués par les savants qui ont porté la science après le prophète et qui ont transmis la science après lui, et qui ont été appliqués par les savants qui sont venus après. Donc les savants qui sont venus après ont appliqué ces règles-là. Et c'est quoi l'exemple ou la mas'ala qu'on va mentionner? Si une personne n'avait pas une grande importance dans, pour apprendre la science de religion. Puis un jour, elle a entendu dans un cours, l'enseignant, il a mentionné une mas'ala, il a dit que celui qui fait telle chose ou qui dit telle chose, il commet une mécréance. Alors cette personne qui a entendu ceci, elle a eu un doute, elle a été perturbée, elle a eu peur. Et puis, dans son cœur, elle a eu un doute. Est-ce que cette chose-là a eu lieu de ma part ou pas? Donc, elle a eu un doute, une hésitation. Est-ce que ceci a eu lieu de ma part aujourd'hui ou pas? Que fait cette personne? Exemple, une personne qui travaille dans une imprimerie, qui imprime les livres. Et dans les livres qu'ils impriment, il y a aussi le mushaf. Et vous savez, lors de ceux qui travaillent dans ces imprimeries, parfois, ils montent et ils mettent le pied au-dessus des cartons des livres. Et donc, quand il a entendu dans le cours l'enseignant dire, celui qui piétine le mushaf délibérément, c'est-à-dire tout en sachant qu'il piétine le mushaf, qu'il met le pied sur le mushaf, il sort de l'islam. Alors, il a eu un doute chez lui. Est-ce que ceci a eu lieu de ma part aujourd'hui quand j'étais au travail ou pas? Il a eu un doute. Que fait cette personne? Il y a deux voies devant elle. Il y a deux possibilités. Ou bien cette personne se dit, ouais, peut-être effectivement qu'aujourd'hui, ceci a eu lieu de ma part. Je doute à propos de cela. Peut-être ceci a eu lieu. Et si ceci a eu lieu, en fait, je suis maintenant mécréant. Parce que maintenant, il sait bien, il a bien appris que ceci est une mécréance. Hein? Avant, ce sujet ne lui est pas parvenu à l'esprit, mais maintenant qu'il a appris, il sait que ceci est une mécréance, et donc, il dit, donc peut-être je suis tombé dans la mécréance. Et si c'est le cas, eh ben, je reste comme je suis. Alors, je ne quitte pas la situation dans laquelle je suis. Une telle personne, si dans son cœur, elle a eu cette croyance, n'est-ce pas qu'elle a accepté pour elle-même la mécréance, au cas où cette mécréance, elle avait eu lieu de sa part, au cas où elle avait piétiné le mushaf avant. Et celui qui accepte la mécréance pour soi-même, qu'est-ce qu'il est? Il est mécréant. Donc, ceci, cette règle-là, que celui qui accepte la mécréance pour lui-même, il est mécréant, elle est mentionnée par les savants dans leurs livres. Leurs livres sont pleins de cette masala, des mentions de cette masala-là. Et une autre possibilité. Donc cette personne, quand elle a dit ceci a peut-être eu lieu de ma part, oui, autre chose, autre le fait que cette personne a accepté la mécréance, en fait il y a un autre sujet, c'est que cette personne, quand, maintenant pour elle, il y a une possibilité qu'elle ne soit pas musulmane, donc son cœur n'est plus ferme. Et il a accepté, donc il a une possibilité de ne pas être musulman, et il a voulu rester ainsi. En hésitant, est-ce qu'il reste sur la croyance de l'islam ou pas? Alors, telle personne, elle n'a plus le cœur qui est ferme dans la volonté de rester musulman. Et celui qui n'est pas ferme, celui qui hésite, est-ce que je reste musulman ou pas? Ceci est une règle connue dans la religion qui sort de l'islam. Parce que la personne a le devoir d'avoir la volonté ferme dans son cœur de se maintenir sur la religion de l'islam. Celui qui hésite en cela, est-ce qu'il est musulman? Il n'est pas musulman. Donc de ces deux points de vue-là, il est mécréant. Du point de vue qu'il a accepté pour lui-même la mécréance, et du point de vue que son cœur n'est plus ferme dans la volonté de rester musulman. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que cette personne à qui ce doute est parvenu. Donc là, on parle du doute. Ce n'est pas une idée qui lui a traversé l'esprit involontairement, alors qu'il sait bien que ceci n'a pas eu lieu. Non. Véritablement un doute. Donc, il a maintenant une hésitation. Il hésite. Est-ce que j'ai piétiné le mushaf ou pas? Alors, il a eu un doute. Il veut s'en sortir de cette situation parce qu'il n'accepte pas pour soi-même, pour lui-même, qu'il soit mécréant. Et tout musulman, il sait que comment on sort de la mécréance pour entrer en islam? Comment ceci il a eu lieu en prononçant les deux témoignages? Et l'imam An-Nawawi, il a mentionné que ceci est sujet d'unanimité sur ce point-là, que l'entrée en islam, elle est par les deux témoignages. Et donc, il a alors dit les deux témoignages pour sortir de la mécréance au cas où la mécréance avait eu lieu de sa part. Voici la mas'ala clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté, elle n'est pas difficile à comprendre, elle n'est pas complexe. Et elle suit les règles de la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et que les savants après lui ont clarifié. Donc nous ne disons pas que dès que la personne a eu un doute, est-ce qu'elle a commis la mécréance ou pas, elle est sortie de l'islam. Non. En fait, le doute, c'est pas lui qui décide est-ce qu'il a un doute ou pas. Ce doute, il est venu sur son cœur. C'est pas quelque chose qu'il maîtrise. Est-ce que j'ai pétiné le Moussaf ou pas? Donc, par le simple fait d'avoir eu le doute dans son cœur, il n'est pas sorti de l'islam. Mais, une fois que le doute a eu lieu dans son cœur, qu'est-ce qu'il a choisi après? Est-ce qu'il a choisi de sortir de la mécréance au cas où cette mécréance avait eu lieu de sa part? Ou bien est-ce qu'il a choisi de rester sur cet état sur lequel il est, c'est-à-dire d'être mécréant au cas où ceci a eu lieu de sa part? Est-ce qu'il avait le cœur qui était ferme dans la volonté de rester musulman? Ou bien est-ce qu'il avait l'hésitation dans son cœur de vouloir rester musulman? Voilà. Donc, dans le premier cas, il a prononcé les deux témoignages. Et c'est terminé. Dans le deuxième cas, il a commis une mécréance. Donc voici la règle qui est conforme aux règles. Voici la masala qui est conforme aux règles de la religion. Et est-ce qu'elle est claire ou est-ce qu'elle est difficile ou est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle est complexe ou est-ce qu'elle est simple? Non, elle est simple. Et tout comme les autres sujets de notre religion, facile à comprendre, comme les autres sujets de notre religion. Maintenant, si certaines personnes ne la comprennent pas, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si certaines personnes la comprennent et ils veulent dire le contraire, qu'est-ce qu'on peut faire? Le cœur des gens, nous ne maîtrisons pas le cœur des gens. Donc nous, notre objectif, c'est de clarifier cette masala. Et ce que l'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de perturbation des gens qui brouillent les musulmans en disant des choses contraires à cette masala. Donc, nous ne disons pas si la personne a eu une idée qui lui a traversé l'esprit, qu'elle a commis une mécréance, elle sort de l'islam, non. Et nous ne disons pas que par le simple fait d'avoir le doute, d'avoir commis une mécréance, elle sort de l'islam, non. Le jugement, il est conditionné par qu'est-ce qu'il fait après avoir eu le doute. C'est là. S'il se dit, moi, ça veut dire, si j'ai commis ça et il ne veut pas rester, si j'avais fait ça et que je suis tombé dans la mécréance, alors je veux augmenter là-dedans et rester là-dedans. Alors celui-ci, il a commis une mécréance. Mais si il s'est dit dans son cœur, moi je sors de cela, il a prononcé les deux témoignages, ça veut dire, celui-ci, il n'a pas commis la mécréance. Donc, ça suffit, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? وكلامنا في مسألة هي كفر، يعني عرف أنها كفر وهي كفر بالإجماع. كلامنا في مسألة كهذه، أما لو حصل منه أمر ليس مكفرا، لو شك في حصول أمر منه ليس مكفرا في حقيقة الأمر، هذا الشيء ليس كفرا. شك حصل منه أو لا، فلم يتشهد احتياطا، هذا لا نقول عنه كافر، لأنه لو اعتقد، خليني أعطي مثال، لو شك في أمر في حصول أمر ليس مكفرا والشك فيه هل هو كفر أو لا، لا يضر العقيدة. إنسان ترك شك، قال أنا هل تركت صلاة الظهر كسلا أو لا؟ هل تركت صلاة الظهر كسلا أو لا؟ حصل له شك، هذا لو اعتبر تركه لصلاة الظهر ترك صلاة الظهر كسلا كفرا هل يؤاخذ؟ لو واحد قال إذا ترك الإنسان صلاة من الصلوات عامدا كسلا هذا كفر، من ترك صلاة ليس يكون هذا قول أحمد الإمام أحمد. أيوة، هل يضلل؟ لا يضلل. ولو قال ليس كفرا أليس يكون وافق المذاهب الثلاثة الأخرى؟ لا يضلل. فإذا إذا تردد هل يضلل؟ لا يضلل. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في الذي يشك في حصول أمر منه هو كفر بالإجماع، ليس في حصول أمر مختلف في كونه كفرا، ليس في حصول أمر هو ذنب كبير وليس كفرا، إنما كلامنا في حصول أمر هو كفر بلا خلاف، كلامنا في هذا واضح؟ Donc, nous parlons à propos d'une mas'ala qui est une mécréance. C'est-à-dire, la personne, elle a su que c'est une mécréance. Et c'est une mécréance par l'unanimité. Donc, nous parlons à propos de tel sujet. D'accord ? Par contre, si la personne a... Par contre, nous ne parlons pas de la situation où la personne doute. Est-ce qu'il y a eu de sa part une chose, mais qui n'est pas une mécréance ? Ou bien, mais qui est un grand péché. Alors dans ce cas-là, on ne parle pas de ce sujet. Donc si cette personne, elle n'a pas, on ne dit pas qu'elle devient mécréance et elle n'a pas fait immédiatement les deux témoignages par précaution. On ne parle pas de ce sujet. Ou bien une personne qui a eu un doute, est-ce qu'il y a eu de sa part une chose sur laquelle il y a une divergence, est-ce que c'est une mécréance ou pas ? Et le fait de douter, est-ce que c'est une mécréance ou pas, n'est pas quelque chose qui est nuisible pour la croyance. Comme par exemple, une personne qui a douté, est-ce que j'ai délaissé la prière de Zohar par paresse ou pas? Cette personne, si elle considère que le fait d'avoir délaissé la prière de Zohar est une mécréance, elle aura suivi la parole de Ahmad en croyant cela. Donc elle n'est pas égarée en croyant cela. Et si elle dit, ce n'est pas une mécréance, alors elle aura suivi les trois autres écoles, donc elle n'est pas égarée non plus. Donc si la personne hésite entre les deux, elle n'est pas égarée non plus. Mais non, notre parole, elle n'est pas à propos de ce sujet. Nous parlons à propos de Mas'ala, qui est une mécréance selon l'unanimité des savants. Et non pas une Mas'ala sur laquelle il n'y a pas unanimité, ou bien une Mas'ala qui n'est pas une mécréance mais qui est un grand péché, non. كلامنا يعني يدخل تحت القاعدة لا يصح الإيمان مع التردد في الثبوت عليه. Donc notre parole rentre sous la règle la foi n'est pas valable avec l'hésitation de se maintenir sur la foi. كلامنا داخل تحت القاعدة من علق كفره على شيء كفر. Notre parole rentre sous la règle, celui qui conditionne sa mécréance par une chose, il devient mécréant. Notre parole, elle rentre sous la règle, celui qui accepte la mécréance pour lui-même, il devient mécréant. Voici ce sur quoi on parle. Donc si une personne vient et dit voici Ammar ibn Yasir. أنت نزلت هذا المثال في غير موضعه الذي فعله عمار أصلا ليس كفرا كلامنا ليس في هذا فأنت أوردت هذا المثال في غير موضعه لأنك تتكلم من عند نفسك ولا ترجع إلى كلام العلماء. Si une personne vient et dit « Voici Ammar ibn Yasir, il a été contraint par les mécréants à prononcer la parole de mécréance et il est venu après cela au prophète, il lui a posé la question à propos de ce sujet et il n'a pas fait immédiatement les deux témoignages par précaution. Alors vous dites qu'il est mécréant, comme ça qu'il dit cet ignorant. Alors on lui dit, il n'a pas dit ignorant. On lui dit, toi, tu as appliqué, tu mentionnes cet exemple hors de son contexte. Ce que a fait Ammar ibn Yasir n'est pas une mécréance. Donc toi, tu as mentionné cet exemple, mais là où il ne s'applique pas. Parce que tu parles de quelque chose sans se baser sur la parole des savants, sans que tu te bases sur la parole des savants. Mais c'est chez toi-même que tu parles cela. وإذا جاء شخص فقال انظروا كتب المالكية أنا مالكي انظروا كتب المالكية مملوءة أن من شك هل وقع منه كفر أو لا لا ينتقد وضوءه بذلك نقول له ما شاء الله إيه المالكية على الرأس والعين لكن الشافعية أيضا يقولون من شك هل وقع في الكفر أو لا لا ينتقد وضوءه بذلك كلامنا ليس في هذا نحن أيضا كلنا نقول من شك هل حصل منه كفر أو لا لا ينتقد وضوءه في ذلك هذا ليس ما نتكلم فيه كلامنا ماذا يفعل بعد حصول الشك ووقوعه في قلبه وهذا أيضا منك خروج عن الاعتدال لأنك تتكلم في مسائل الشريعة من عند نفسك من غير الرجوع إلى أهل Donc, si une personne vient dire « Regardez les livres des Malikites, moi je suis Malikite, regardez les livres des Malikites, ils disent que celui qui a douté, est-ce qu'il a commis une mécréance ou pas, son wudu n'est pas annulé, leurs livres sont pleins de cela. » On lui dit, et les livres des Shafi'iyya aussi mentionnent cela, que celui qui a douté, est-ce qu'il est tombé dans une mécréance ou pas, son wudu n'est pas annulé. Et même nous, nous disons cela, celui qui a eu un doute, est-ce qu'il a commis une mécréance ou pas, son wudu n'est pas annulé. Mais, elle est où la question? C'est qu'est-ce qu'il a fait après avoir eu le doute, hein? Donc, voilà. Comme le détail qu'on a mentionné. Et donc cette attitude de la part de cette personne qui mentionne ce sujet hors contexte est quelque chose dans lequel il a dévié de la voie du juste milieu parce qu'il parle de lui-même, il ne revient pas à la parole des savants dans ce sujet. لا يزول بالشك أو اليقين لا يزال بالشك وهذا الشخص كان متيقنا من كونه مسلما فعندما شك لا يزول إيمانه بشكه نقول له ونحن نقول أيضا مثل ذلك كان مسلما وعندما شك لم يزل إيمانه بمجرد شكه إنما الكلام بعد هذا ماذا فعل رضي بالكفر أو أراد البراءة منه وتبرأ منه المسألة هنا ليست هناك ليست في تلك لكن الذي لا يأخذ العلم من أهله إنما يطالع هيك مطالعة في بعض الكتب ويحفظ بعض العبارات من غير أن يعرف أين موضعها وما معانيها وكيف توضع في مواضعها هو يضيع ويضيع من يتبعه. الله يعصمنا، الله يعصمنا من الله يعصمنا. Donc si une personne vient dire, les savants de la religion ont mentionné une règle, que la certitude ne disparaît pas par le simple doute, ou bien le doute la certitude ne part pas par le doute. On lui dit, et puis il continue, et il dit, et cette personne-là était certaine d'être musulmane, et puis elle a eu ce doute, et donc sa foi... Elle n'est pas invalidée, elle ne part pas, elle ne disparaît pas par le simple doute. On lui dit, et nous aussi on dit cela. Il était musulman, et quand il a eu le doute, ce n'est pas par le simple doute que sa foi a été invalidée. La parole, c'est qu'est-ce qu'il a fait après cela? Est-ce qu'il a accepté la mécréance pour lui-même, ou bien il a voulu se débarrasser de la mécréance? Mais celui qui parle... dans la religion, celui qui ne prend pas la science des gens de la science, mais qui lit dans des livres et qui mémorise certaines phrases sans vraiment les comprendre correctement et sur quelle base elles sont tirées et comment les expliquer, lui-même il est perdu et il fait perdre ceux qui le suivent. Que Dieu nous préserve. إذا كان إنسان مسلما نحكم عليه بالإسلام ثم حصل منه مسألة اختلف العلماء هل هي كفر أو لا، نحن إذا لم نأخذ بالقول أنها كفر لا نحكم عليه أيضا بالكفر في هذه الحال، أليس كذلك؟ هذا معروف. De même, nous disons, si une personne est musulmane, et puis, donc on le juge musulman, et puis il y a eu de sa part une chose, mais à propos de laquelle les savants mujtahid ont divergé, est-ce que c'est une mécréance ou pas? Nous ne nous jugeons pas la personne mécréante pour le simple fait d'avoir fait cette chose-là. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Si nous ne suivons pas l'avis qui dit que c'est une mécréance. الله ثم هذه القاعدة اليقين لا يزال بالشك ليست قاعدة كلية، يعني لا تنطبق على كل المسائل، إنما تنطبق على كثير من المسائل، وهناك مسائل لا تنطبق عليها. فإذا لم يكن الإنسان واعيا يعرف أين تنطبق وأين لا تنطبق، عند ذلك ينزلها في غير منزلها من غير أن يعرف. Puis cette règle là que la certitude ne disparaît pas par le doute, ce n'est pas une règle générale qui s'applique partout. Non. C'est-à-dire, c'est une règle qui s'applique dans beaucoup de cas, mais il y a des cas dans lesquels elle ne s'applique pas. Donc si la personne n'est pas quelqu'un qui fait attention, qui a la compréhension et qui sait quand est-ce qu'elle s'applique et comment il l'applique, il se peut qu'il soit dévié. إنسان كان متوضئا على وضوء ثم نام نوما عميقا طويلا ثم أفاق، يجب عليه أن يجدد وضوءه للصلاة أو لا؟ يجب، أليس كذلك؟ مع أنه ليس متيقنا أنه قد خرج منه ريح في أثناء نومه، وقبل أن ينام كان متيقنا من أنه على وضوء، نام يوجد شك أن يكون قد خرج منه ريح، مع ذلك يجب أن يجدد وضوءه. هنا الشك أذهب ذلك اليقين، فليست هذه المسألة كلية، إنما تنطبق في كثير من الأحيان وفي بعض الأحيان لا تنطبق، فلا يسأل للإنسان أن يستند إليها في الأحكام إلا إذا كان يعرف في أي مواضع تنطبق وفي أي مواضع لا تنطبق. Puis cette règle qu'on a mentionnée, que la certitude ne disparaît pas par le doute, c'est une règle qui n'est pas une règle générale, c'est-à-dire elle s'applique dans beaucoup de cas, mais il y a des cas qui ne s'appliquent pas. Par exemple, une personne qui avait le haut dos et qui s'est endormie d'un sommeil long et profond. Puis cette personne, elle s'est réveillée. Est-ce qu'elle doit refaire son haut dos pour faire la prière ou pas? Si, elle doit le refaire, alors qu'elle n'est pas certaine qu'il est sorti d'elle un gaz ou de l'urine pendant son sommeil. Avant de dormir, il était certain qu'il avait le haut dos. Donc il a dormi, et qu'est-ce qui se passe alors? Il y a un doute. Est-ce qu'il est sorti de lui un gaz ou pas? Celui-ci, c'est un devoir qu'il refasse le haut dos. Ce doute-là a fait partir la certitude qu'il avait avant. Donc vous voyez, cette règle, elle n'est pas une règle absolument générale et qui s'applique dans tous les cas. Non, elle s'applique dans beaucoup de cas, mais dans certains cas, elle ne s'applique pas. Donc la personne n'a pas à se baser sur cette règle, sauf si elle sait quand est-ce qu'elle l'applique et quand est-ce qu'on ne l'applique pas. Donc c'est plus précis, une phrase plus précise. Ce doute a fait partir la trace de la certitude qu'il avait avant. La trace de la certitude qu'il avait avant. Allah yubarik fikum. Antum. Allah yubarik fikum. Antum ta'amaluna fil khayr fi nashr ilm al-din. وتعملون يدا واحدة على حسب ما علم شيخنا الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله تعالى، وهو لم يعلمنا إلا على مقتضى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نتعلم منه إلا لأنه كان يعلم على النهج النبوي، على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو علم على غير هذا النهج لما كنا تعلمنا منه. بعض الناس لا يعجبهم اجتماعكم على الخير، يريد أن يشتت شملكم، فيأتي إليكم ويرمي أشياء فيما بينكم للتشويش، مثل هؤلاء لا تلتفتوا إليهم ولا تتركوا لهم بابا ولا نافذة بل ولا ثقبا ليدخلوا منه لأجل هذا. Donc, cher Samir, que Dieu le préserve, a dit que Dieu vous bénisse. Vous travaillez pour le bien. Vous travaillez tous unis. Tout comme l'a enseigné notre cheikh, le cheikh Abdullah, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Et lui, ce cheikh qui ne nous a enseigné que conformément à la voie du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'avons pas appris de lui que parce qu'il enseignait conformément à la voie prophétique. S'il avait enseigné quelque chose autre que la voie prophétique, nous n'aurions pas appris de lui. Donc si maintenant certaines personnes veulent venir vous éparpiller, vous disperser, vous dissuader de travailler en lançant des choses pour vous perturber, alors ne leur portez aucune attention et ne laissez pas une porte ouverte, ni même une fenêtre, ni même un petit trou. حتى يبعدك عن دين الله تبارك وتعالى وعن أحكام الشرع الحنيف الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. Et si tu as été gêné par telle ou telle personne, alors ne laisse à personne la possibilité d'exploiter ceci pour t'éloigner de la religion agréée par Allah Ta'ala et de la loi et de la sharia qu'a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa idha arada insan an yuhattima thiqataka bi Sheikh Abdullah rahimahullah Ta'ala fala taltafit ilayhi. Mais si une personne veut détruire ta confiance en le Cheikh Abdullah, alors ne lui porte aucune attention. Parce qu'en fait, lui, il sait que s'il fait ça, par cela, il va vous éparpiller. Il convient de ne lui porter aucune attention. On lui fait face par ce qui convient. وفي المسألة التي ذكرناها يكون إيش واجبا هذا ليس تناقضا إنما هذا بيان للحكم على حسب الحال. Donc certaines personnes, Cheikh Abdullah a dit, dans certains cas le témoignage par précaution est recommandé et dans certains cas il est obligatoire. Et dans le cas que nous avons mentionné, le Cheikh a dit que c'était obligatoire. Oui, c'est vrai, il y a des cas où il est obligatoire, comme le cas qu'on a mentionné. Il y a des cas autres où il est recommandé. Et ceci n'est pas une contradiction de la part du Cheikh. C'est le fait de mentionner le jugement selon le cas de la personne. بقي في قلبه شيء الإمام ما بعرف شو بدي أعمل جيبوا ميكروفون إذا إنسان ترك صلاة الظهر عامدا بعد ذلك تاب إلى الله تبارك وتعالى وقضى صلاة الظهر استقي في قلبه شيء الإمام أحمد قال من ترك صلاة من الخمس عامدا كفر فبقي هو خائفا على نفسه نعم هو لا يقول كفر بقي خائفا على نفسه هذا يأخذ الخاطر يأتي إلى قلبه ويخيفه أحمد مجتهد نعم الدليل أعرف ما جاء في الحديث عن صلوات لكن يخاف هنا إذا تشهد للخروج من الخلاف هل يقال يجب عليه شيء أن يتشهد للاحتياط؟ لا هذا مثال لتشهد للاحتياط لا يكون واجبا ليس في كل الأحوال التشهد للاحتياط يكون واجبا إنما في أحوال يكون واجبا وفي أحوال لا يكون واجبا شيخ عبد الله ذكر ذلك وهنا في هذه المسألة لأنه واجب قال يجب عليه أن يتشهد احتياطا هذا يكون تناقضا في الكلام لا يكون تناقضا إنما إيضاح للحكم على حسب الحال. Donc une personne a délaissé la prière de Zohor délibérément et puis après cela par paresse puis après cela il l'a rattrapé. Il s'est repenti à Allah Ta'ala et il a rattrapé cette prière. Mais il est resté dans son cœur quelque chose. Il s'est dit, l'imam Ahmad, qui est un mujtahid, a dit que celui qui délaisse une des cinq prières, il devient mécréant. Donc lui, il était peur par paresse. Celui qui délaisse une des cinq prières, délibérément, par paresse, il est mécréant. Donc cette personne, elle a eu peur pour elle-même, cette idée qui lui revient et qui lui revient, et en se disant, Ahmad est un mujtahid. Moi je sais le hadith qui est mentionné et les preuves des autres mujtahid. Et donc, une telle personne, si elle dit les deux témoignages, pour sortir de cette divergence. Voici un exemple où le témoignage par précaution n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Donc, pas dans tous les cas, le témoignage par précaution est obligatoire. Dans certains cas, il est obligatoire, dans certains cas, il est recommandé, mais dans le cas que nous avons mentionné, il est obligatoire au début. Dans le cas de la masala que Cheikh a mentionné au début, il est obligatoire. Et notre Cheikh a mentionné cela. Donc ce n'est pas une contradiction de la part du Cheikh, c'est une explication des choses selon le cas de la personne. ثم إذا كان الشيخ رحمه الله أحيانا قال هذا واجب يجب أن يتشهد للاحتياط وأحيانا قال يجب أن يتشهد للاحتياط على الفور هل هذا تناقض؟ ليس تناقضا إنما أحيانا يتكلم الشيخ وهو يعرف أن السامع يفهم هناك أشياء واجبة على الفور لم تذكر الفورية في القرآن وهي واجبة على الفور ولم تذكر فوريتها في القرآن لأنه لا تناقض في هذا إذا قال الإنسان واجب ليس معناه ليس على الفور فإذا قال مرة ثانية واجب على الفور يكون فيه زيادة بيان وليس هذا الكلام مناقضا للكلام الذي ذكره قبل Si le Cheikh Rahimahullah a dit à propos du témoignage par précaution dans le cas où il est obligatoire, dans certains cas il a dit c'est obligatoire. Et dans d'autres cas il a dit c'est obligatoire immédiatement. Est-ce que ceci est une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Parfois le Cheikh il dit c'est obligatoire et il sait bien que la personne qui l'écoute, elle sait que c'est obligatoire immédiatement. Il y a des choses qui sont mentionnées dans le Coran et qui sont obligatoires immédiatement, mais dont le fait que ce soit immédiatement n'est pas mentionné explicitement dans le Coran. Donc, si le Cheikh dit ceci est obligatoire, ceci ne veut pas dire que ce n'est pas immédiatement. Et si une autre fois il a dit que c'est obligatoire immédiatement, ce n'est en aucun cas une contradiction, c'est une clarification de la chose. ثم إن الشيخ رحمه الله كان يجيب على حسب حال السائل على حسب الحال ولذلك كان أحيانا يسأله السائل ويذكر كلمة احتمال مثلا وهذا الذي يسأله الاحتمال يفهم منه الشك والتردد وآخر يسأله ويذكر الاحتمال لكن يفهم من الاحتمال مجرد الاحتمال العقلي من غير شك ولا تردد فيختلف جواب الشيخ رحمه الله لهذا عن جوابه لذاك ليش؟ لأن الشيخ يجيب على حسب السؤال على حسب حال السائل فإذا اختلف الجواب على حسب حال السائل هذا لا يكون تناقضا من العالم إنما يكون وضعا للجواب في محله يأتي شخص يسألني مثلا يسأل الشيخ يقول له هذا هل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر قاعدا يقول له الشيخ وليد نعم لا يجوز أن يقال هذا يخالف الدين كيف قال له يجوز أن يصلي قاعدا ما أن تنظر في حال السائل الذي سأل مقعد لا يستطيع أن يقف مشلول لا يستطيع أن يقوم يقول له هل تصح مني قاعدا يقول له نعم فيختلف الجواب على حسب اختلاف الحال هذا ليس تناقضا إنما هذا إنزال لكل أمر في محله Et puis, sachez que le Cheikh répondait aux questions selon le cas de la personne qui pose la question. Et parfois, La personne qui pose la question mentionne au Cheikh Abdullah le mot possibilité, ihtimal en arabe, c'est-à-dire c'est possible que ceci a eu lieu, mais en fait, il comprend du mot possibilité ici le doute et l'hésitation. Donc le Cheikh répond à la personne selon sa compréhension du mot possibilité ici. Mais d'autres personnes mentionnent le mot ihtimal, possibilité, et lui, ce deuxième, ce qu'il comprend du mot possibilité, c'est la possibilité rationnelle, que c'est possible selon la raison que ceci ait eu lieu. Mais lui, il n'a pas de doute que ceci a eu lieu. Il est sûr que ceci n'a pas eu lieu. Donc ce n'est pas le doute et l'hésitation. في سؤاله يقول حصل شك ضعيف وهو يفهم من الشك الضعيف الخاطئ وآخر يذكر الشك الضعيف ويفهم من الشك الضعيف التردد الحقيقي يختلف الجواب بحسب اختلاف حال السائل هذا ليس تناقضا. Donc une personne pose la question au Cheikh, j'ai eu un doute faible, et pour lui, ce qu'il comprend du mot doute faible, c'est l'idée qui traverse l'esprit involontairement. Et une autre qui dit j'ai eu un doute faible, et ce qu'il comprend du doute faible, c'est l'hésitation entre les deux situations. Et donc la réponse ne sera pas pareille pour les deux personnes. Le Cheikh répond à la personne en fonction de l'état et de la compréhension de personnes qui posent la question. Donc si la réponse n'est pas la même, ce n'est pas une contradiction de la part du Cheikh. C'est une réponse correcte, la bonne réponse pour la bonne question, pour la question. Donc si une personne pose la question à quelqu'un, est-ce que cette personne-là, elle peut faire la prière de Dhuhr en étant assise? Il lui dit oui. Alors que l'on ne se précipite pas pour dire non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis non, elle doit le faire en étant debout. Regarde la personne. La personne qui pose la question, elle est paralysée. Elle est dans un fauteuil roulant, elle ne peut pas se mettre debout. Elle est paralysée. Donc, c'est une réponse qui correspond à l'état de la personne. Elle est donc correcte pour cette personne-là. On ne dit pas ici, il y a contradiction ou ceci est contraire à la religion. يكون الشخص متعبا لا سيما ان الذي يعمل في الدعوه الى الله لا سيما ان الذي يعمل في الدعوه الى الله بجد يعرف هذا يصل احيانا الى حد يكون كثير التعب وكثير من اخواننا ما كانوا يراعون شيخنا رحمه الله عندما كان يتعب يسالونه في حال التعب كما يسألونه في حال النشاط يسألونه في حال القوة كما يسألونه في حال الضعف وذلك لما كان هو عليه رحمه الله من حسن الخلق وشدة الانكسار لكن الإنسان عندما يكون في هذه الحال قد يسأله الشخص بطريقة غير صحيحة فلا ينتبه إلى أنه يقول غير ما يريد في الحقيقة ويعبر خطأ والإنسان في هذه الحال قد يسبق لسانه بشيء غير الذي يريد أن يقوله قد يقول عبارة كاملة جملة وجملتين وثلاثة بأنت تظن أنه يتكلم كلاما منتظما لكن هو يكون في قلبه يفكر في شيء آخر يظن أنه يقول شيئا آخر لذلك لو راجعته بعد هذا فقلت له أنت قلت كذا يقول لا كيف هذا يقول أنا سمعتك قلت كذا وكذا يقول لك لا ما قلت كيف هذا ولا يكون بين الأمرين إلا وقت قصير لكن يقول لك ما قلت لماذا يقول ما قلت لأنه لما قال أولا كان يحصل منه سبق لسان لا سيما أننا نحن ومن أو ما بس نحن ليس فقط نحن هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا معصومين النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من سبق اللسان ومن الخطأ أما من جاء بعده من الأمة فليس معصوما. الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسألة مرة سئل في هذه المسألة أجاب بجواب. لما قيل له بعد ذلك شيخنا السائل كان يقول كذا وكذا وأنتم أجبتم بكذا، قال لا، هذا ليس لذلك السؤال، هذا الجواب لا ينطبق جوابا لذلك السؤال. إما إنه رحمه الله لم يفهم ماذا قال السائل، السائل لم يوضح، وإما أنه سبق لسانه، نحن لا ندعي فيه العصمة، ليس أحد منا يدعي فيه العصمة، لكن لما عرف الشيخ وقتها بيّن الصواب وطلب أن يبين الصواب وأن يعمم وأن ينشر وأن يقال إن ذلك خطأ. والحمد لله هذا سيرة أهل الفضل، فإذا أراد إنسان أن يرمي بسبب أمثال هذا الشك فيما بينكم بشيخنا أو في غير شيخنا بالكذب، أحيانا يقول فلان نقل عن الشيخ كذا، فلان نقل كذا، فلان نقل كذا، يا إخواننا نحن نتبع شرع الله تبارك وتعالى، هذا الذي نتبعه، والذي يخطئ في النقل عن الشيخ هو يسأل عن خطائه، ولا ينسب هذا إلى الشيخ ولا إلى جماعة الشيخ، إنما هو يسأل عن خطائه، فإذا بان له الخطأ فتراجع وقال للذين كان أخبرهم أنا غلطت، نقلت خطأ، والصحيح كذا وكذا وكذا، وندم وترك الذي كان عليه من الخطأ وبين لمن كان سمع منه الخطأ، ماذا نفعل معه؟ إيش يقال له؟ يقال له بارك الله فيك، انتبه في المرة القادمة حتى لا تخطئ في النقل، ولا يلام على توبته ولا على أنه رجع إلى من كان نقل لهم خطأ فأصلح الخطأ. أنا أريد أن أذكركم بأمر، وهو ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه. مالك قال ليس الثقة الذي لا يخطئ، الثقة الذي يقل خطأ. معنى كلام مالك إذا أردت ثقة لا يغلط بالمرة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لن تجد ذلك، لن تجد ذلك. حتى مالك وهو النجم في الحديث، وهو النجم في الحديث، قالوا في هذا بعض العلماء قال في هذا أخطأ، أفي هذا أخطأ. حتى الشافعي قال أنا اجتهدت أن لا يكون في كتب خطأ، لكنه يوجد فيها، لو كنت الآن لا أعرفه لكن موجود فيها، وإن كنت أنا الآن لا أعرفه، إذن لو عرفه لا أصلحه، قال لكن موجود فيها لا تخلو من خطأ. وهكذا قال غيرهما من أئمة الدين. إذن الذي قاله مالك رحمه الله تعالى ليس الثقة الذي لا يغلط، الثقة الذي يقل خطأه، الذي خطأه ليس كثيرا، هذا هو الثقة. الله يبارك فيكم ويحفظكم ويقويكم ويجمعكم ويجمعنا جميعا على الخير، ويختم لنا بالخير، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله يجري الخير على ألسنتنا وعلى أيدينا. الله تعالى يجعلنا من الذين يجتمعون يوم القيامة على منابر من نور. الله تعالى يجعلنا من المتجالسين فيه والمتحابين فيه والمتناصحين فيه والمتبازلين فيه، ويجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم. وإني أسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ويرحمه، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا، وأن يلهمنا أن نسير على نهجه، نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبذل الجهد والوقت الكبيرين في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى مع الإخلاص وصدق النية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. أنا أستأذنكم في الخروج على حسب توجيهات الشيخ وليد، وهو إن شاء الله تعالى يكمل معكم الترجمة. S'il vous plaît, le passage, Allah yubarak fi, que personne ne s'approche, facilitez l'Allah ta'ala, je vais traduire après, mais laissez le passage, je vous en prie. هل هناك أحد عنده سؤال لأمر لم يفهمه مما ذكرناه؟ Est-ce que quelqu'un a une question à propos d'un sujet qui a été mentionné? نعم تفضل. الذي يسب الله إذا حكم على نفسه بن... هو لم يتكلم عن هذا لحظة هو لم يشرح لحظة. هو قال من ها معناه هل أفهم معناه الذي سمعها قال في قلبه لعل هذا الشخص ما بين ما أوضح ليس شرطا أن يكون كلامه عن الكفر المجمع عليه لعله يتكلم عن الكفر المختلف فيه الذي مختلف هل هو كفر أو لا أو فيها شيء آخر أو يكون هناك شيء آخر ما فهمته مع أنه هو في قلبه هذا الشخص يعتقد أن الذي يشك هل حصل منه كفر أو لا يجب عليه أن يخرج من هذه الحال ولا يجوز له أن يرضى لنفسه بالبقاء على الكفر في حال حصل منه إذن هذا ما عرف يعبر هذا ما عرف أن يعبر عن مراده وأما اعتقاده فصحيح إذا كان هيك نسيت أن أقول شيئا آخر يا إخواننا نحن نعرف أحكام الدين ونحن نعرف ماذا تعلمنا ونحن نعرف أننا في أحكام الدين عندنا الدليل وفي أمر العقائد نحن متمسكون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف حقنا أنفسنا إذا إنسان كان له على الذي نقوله يخالفنا كان يخالفنا فليبرز نفسه ليأتي إلينا وليتكلم إذا كان عنده استفهام أو إذا كان يريد تشويش فنحن لا نرضى بالتشويش نحن كلامنا في العلن إذا كان يريد التحدي لا يخيفنا كمان نحن الدليل معنا ونعرف ما عندنا حتى لو كان اسمه مثل اسمي أو إذا كان يريد المناظرة فنحن مستعدون حيثما يعني على ما يتم الاتفاق عليه وإلا فليسكت وليترك التشويش إذا أراد الاستفهام نحن مستعدون وإذا أراد المناظرة نحن مستعدون وإلا فليسكت وليترك التشويش بارك الله فيكم وحفظكم ضاق الوقت أنا أحب أن أخذ الأسئلة كل وعليكم السلام ما هو النقل يحصل فيه التغيير يسري قد تلقى غير الألفاظ التي شاهدتمون بها ولذلك من باب الاحتراس النقل أطالب الهيئة الإدارية بإعداد مرسوم هذا يقرر عليه هذه المسائل سيصله سيصل هذا الآن يعمل عليه لأنه إذا دخل التغيير وقد تقولون ما لم تقولوا سيدي الآن يعمل على هذا أمر مؤكد أقول لك يعمل على هذا وبارك الله فيك وزادك حرصا شو يا سيدنا تفضل الشخص الذي بعد سؤال وانا اخر السؤال تفضل الشخص الذي سمع مسألة كفرية وشك عن نفسه وقال هل صلحت نفسي بالماضي ام لا لانه ما كان تعلم علم الدين كثيرا بالماضي فشك هل صلحت نفسي بالماضي ام لا معناه هذه المسألة التي يتكلم عنها هي كفر بالإجماع يعني يعني هي كفر بالإجماع جواب سؤال نعم أو لا مختلف فيه أو كفر بالإجماع كفر بالإجماع إذن هو الآن يقول في قلبه أنا الآن هل وقعت فيها أو لم أقع هذه المسألة التي شرحناها هي لا يجوز له أن يؤخر نفسه عن التشهد الاحتياطي ويقول ولو كان أبقى على ما أنا عليه أو نحو ذلك لا هذا مثل هذا الرجل كيف يعني مثل هذا الشخص كيف يؤخر نفسه أنا أقول لكم شيئا إنسان قال هذا المثال الذي أعطيناه قال في قلبه أنا اليوم دست على المصحف أو لم أدرس على المصحف صار عنده شك طب هذا لو كان إذا لم يتشهد لو كان داس على المصحف في الحقيقة ماذا يظن في نفسه إيش يعتقد أنه يكون مصيره في الآخرة إذا مات النار جهنم خالدا فيها أبدا كيف يؤخر نفسه كيف يقول له إنسان أخر نفسك ولو مت يمكن تدخل جهنم خالدا فيها أبدا كيف هذا بارك الله فيكم إذا تريدوا سيلفو بلي السلام de loin وبارك الله فيكم سيلفو بلي S'il vous plaît, je vais continuer la traduction. Si vous voulez. Sinon, je peux avoir avec lui. À quelle heure la prière? Madame, cher. Vous avez la prière, je dis, ah, il me faut 5 minutes. Asseyez-vous, écoutez, s'il vous plaît. Yal. Pardon, cher, passe-le. La prière. 5 minutes, mon frère, Habib, on va finir. Donc la fin du cours, c'est que parfois, parce que ce que Cheikh Samir a mentionné, ce sont des choses qui répondent implicitement à des masalas ou des choses que l'on peut vous lancer pour vous perturber. Il a dit parfois, la personne est fatiguée, surtout que la personne qui travaille dans la da'wa le sait bien. Que parfois on est vraiment très fatigué. Et beaucoup de frères ne tiennent pas compte de cela. Ils posent des questions au cheikh même s'il est fatigué. Et ils profitent du fait que le cheikh, rahimahullah, il lui pose des questions, qu'il soit fatigué ou pas fatigué. En profitant du fait que lui, il a le bon comportement. Et il est vraiment très modeste. Et parfois, la personne qui pose la question alors que le cheikh est très fatigué, il se peut qu'il le pose aussi de façon maladroite, incorrecte. Celui qui pose la question s'exprime incorrectement. Il est possible aussi que le cheikh lui-même fasse un lapsus, qu'il dise des choses autres que ce qu'il voulait dire. Et le lapsus peut être une phrase, ou deux phrases, ou trois phrases. Il dit des choses alors que lui, il pense à autre chose dans son cœur. ceci est possible dans cette situation-là. Et comment on le sait? On le sait parce que si tu lui, tu lui dis après, Cheikh, vous avez dit ceci, cela, alors qu'il y a très peu de temps entre le moment où il a dit et le moment où tu lui as dit ça après. Et tu dis non, j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est un lapsus qui a eu lieu de sa part. Parce que nous, nous croyons que dans cette communauté, après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne sont pas préservés du lapsus et ne sont pas préservés de l'erreur. Tous ceux qui sont venus après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est possible qu'il y ait de leur part un lapsus ou une erreur. Donc, une fois le cheikh il a répondu à une personne, une telle parole, que celui qui après, il lui a été dit au cheikh Maulana, quelqu'un vous a posé une question et vous avez donné cette réponse. Il a dit non, cette réponse-là, ce n'est pas pour cette question-là. Donc lui-même, il dit non, ce n'est pas ça. Et donc faites attention à cela. Il se peut que quand le cheikh est fatigué, soit la personne n'a pas su s'exprimer et donc le cheikh avait compris une autre question, il a donné une réponse à une autre question que celle qui a été dite par la personne, ou bien que le cheikh lui-même, il a eu un lapsus dans la réponse parce qu'il était fatigué. Nous ne prétendons pas que notre cheikh est préservé du lapsus. Comment on dit cela? Parce que le cheikh lui-même, quand il l'a su à l'époque, quand il lui a été dit, parce que ceci a eu lieu concernant cette masala en particulier, et quand il l'a su à l'époque, il a montré ce qui est correct et ce qui a été expliqué aujourd'hui. Il a demandé que l'on explique cela et que l'on diffuse ce qui est correct et que l'on dise que l'autre est faux. Ceci a eu lieu dans le passé. Donc si maintenant une personne veut vous déstabiliser en lançant quelque chose de ce genre ou en accusant notre cheikh par certaines choses, ou bien il dit telle personne rapporte cela du cheikh, on lui dit nous suivons la loi agréée par Allah Ta'ala. Celui qui a transmis telle chose du cheikh, il se peut qu'il se trompe. Et si une personne une fois s'est trompée en rapportant une parole de cheikh et que le cheikh n'avait pas dit ça, c'est cette personne là qui est responsable de son erreur. Si alors après cette personne, elle s'est rendue compte de son erreur, elle est revenue sur son erreur et elle a expliqué à toutes les personnes à laquelle elle avait fait parvenir la masala, elle a expliqué aux personnes à laquelle elle avait transmis la première parole qui était incorrecte, moi je me suis trompé, voici ce qui est correct et voici ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait alors de cette personne? Qu'est-ce qu'on dit à cette personne? On lui dit barakallahu fik, mais fais attention pour que tu ne te trompes pas la fois prochaine. On ne la blâme pas d'être revenu sur son erreur. Non. Et puis, Cheikh Samir a dit, je veux vous rappeler quelque chose qui a été dit par l'imam Malik. Il a dit, la personne digne de confiance, ce n'est pas la personne qui ne se trompe pas. C'est la personne qui se trompe peu. Voilà. Donc on ne dit pas, si une personne s'est trompée une fois, on ne dit pas, cette personne n'est pas digne de confiance. Si toute personne qui se trompe, tu dis qu'elle n'est pas digne de confiance, tu ne trouves pas de personne digne de confiance après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Même l'imam Malik, alors que lui, il est l'étoile dans le science de hadith, certains savants lui ont dit, là, il s'est trompé, là, il s'est trompé. L'imam Ash-Shafi'i, il a dit, j'ai fait un grand effort pour pas qu'il y ait dans mes livres des erreurs. Mais il y en a. Ça veut dire quoi il y en a? Ça veut dire il y en a, mais je ne sais pas où. Parce que s'il sait c'est où l'erreur, il l'aurait corrigé. Il dit il y en a dans mes livres, mais il ne sait pas où. Lui-même il a dit. Et même pareil à ces deux paroles ont été dites par d'autres savants de la religion. Donc la personne dite de confiance n'est pas celle qui ne se trompe jamais. C'est celle qui se trompe peu. C'est pour que quelqu'un ne vous dise pas, ah, si telle personne s'est trompée, alors elle n'est pas digne de confiance. Si quelqu'un s'est trompé, il ne faut pas qu'il n'est pas digne de confiance. D'accord? Donc, Cheikh Samir, après, il a fait une invocation. Et puis, pour clore, il a dit, nous, quand on parle dans les sujets de la croyance, quand on parle de la religion, nous avons les preuves. Nous savons que nous avons les preuves. Si une personne dit autre chose, donc ça c'est à la fin pour clôturer il a lancé un défi. Si une personne dit autre chose alors qu'elle se montre pour demander les questions et pour s'interroger et on lui explique s'il a des interrogations. Et si par contre, nous on ne travaille pas en cachette, nous on explique les choses ouvertement. Et si cette personne veut le défi, alors nous sommes prêts pour un débat. S'il veut défier. Il a dit, et même si le prénom de cette personne est le même que le mien, c'est-à-dire comprenne qui veut, même si cette personne s'appelle Samir Habata, il est appelé au débat s'il ose. Il m'aurait dit, pourquoi tu as dit ça? Il n'est pas là. Ils vont lui dire, qui t'a dit? Le tawdi, c'est ma touche à moi, mais Allah, je vais avoir la touche là-bas. J'espère qu'ils ne vont pas me mettre à la touche. Alors, il a dit, s'il veut le débat public, s'il veut le débat, nous sommes là. Et il a dit, s'il veut la clarification, on est prêt à clarifier. S'il veut le débat, on est prêt pour le débat. Sinon, qu'il se taise. Et qu'ils ne viennent pas perturber les musulmans en les faisant douter des sujets de la religion de ce genre. Wa'adah. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum.